D'avoir trop de fierté. Après m'être attachée, je l'ai mise de côté. À ta demande, en pensant qu'on évoluerait. Alors, pourquoi tous ces blabla, ces prétextes inutiles? Si tu ne voulais pas de moi, pourquoi faire l'indécis? J'ai perdu mon temps, on a perdu notre temps. Maintenant qu'il est question de sentiments, fais pas l'enfant. Je me suis livrée à toi, et en vivant dans l'espoir, que de regrets, crois-moi. Quand j'y repense, tarde toi. Entrer dans ma vie, dans mon cœur poser bagage. Oui, toi, t'es entré dans ma vie. Je t'ai laissé, toi. Entrer dans ma vie, dans mon cœur poser bagage. Entrer dans ma vie. N'as-tu pas de confiance ou de morale? Comment peux-tu en arriver à blesser? T'aimer puis t'en aller, et j'affaire à un homme ou un esservelé. Dis-moi, pourquoi tous ces blabla, ces prétextes inutiles? Si tu ne voulais pas de moi, pourquoi faire l'indécis? J'ai perdu mon temps, on a perdu notre temps. Maintenant qu'il est question de sentiments, fais pas l'enfant. Je suis vraiment toi. Non, fais pas l'enfant.